Les deux passés par Camille Mauclair. Le steamer d'un blanc doré dans la lumière chaleureuse du beau soir, battant de ses roues l'eau mousseuse, accosta au débarcadère d'Ouchy. Sous les charmilles, parmi la foule et les parterres diaprés de fleurs et de soleil, s'élevait le fracas joyeux des orchestres. Dans une gloire enivrée, le Léman, vaste comme une mer, confondait vers Genève ses horizons limpides au mirage du firmament. Mais déjà des voiles d'une bleuité foncée dissimulaient à l'ouest les détails du paysage de montagnes et d'eau, et seuls persistaient, infiniment haut, en plein azur encore, le scintillement des glaciers roses de la dent du midi. L'heure du recueillement suprême de toutes les clartés était féerique et émouvante. Henriette de Trimont s'avança, heureuse, vers son mari, qui venait de franchir la passerelle et prit son bras en frémissant. C'était la première fois depuis 3 mois de mariage que Paul de Trimont avait dû quitter sa jeune femme et il revenait de Paris, par Évian, après une courte absence, trop longue au gré de tous deux. Il s'en allait, léger, vers leur hôtel, au long de la rive, sans voir les divines touches d'or que le crépuscule posait sur les grandes ailes des barques ou sur un oiseau rapide fuyant au ras de l'eau violette. Quand ils eurent tout dit et redit, comme il lui redemandait s'il ne s'était point trop ennuyé, elle avoua. « Je n'ai à peu près point quitté le jardin de l'hôtel pendant ces 3 jours, je te l'ai dit. Mais j'étais soulagée de mon attente par la conversation d'une dame dont j'ai fait la connaissance. Elle me plaît beaucoup, beaucoup. C'est une dame seule, qui a un certain âge, mais est encore très jolie et très distinguée. Nous nous sommes parlé presque tout de suite. J'ai rarement vu une femme aussi intelligente et je serais bien encline à devenir son amie. Vraiment, dit de Trimont, comment s'appelle-t-elle? Est-elle mariée, veuve? Je ne sais pas. Elle a l'air très triste. On voit qu'elle a souffert. Mais c'est une des raisons de son charme. Elle est très bonne. Hier soir, elle a deviné que j'avais de la peine d'être seule. Et nous sommes restés tous deux sur la terrasse jusqu'après 11 heures. Il m'a parlé si doucement de l'amour, de ce qu'il y a de bon et d'unique dans la présence, que sais-je encore, que je me suis endormi consolé. Je suis content si cette dame t'a ainsi aidé à supporter ta solitude forcée, mais tu ne me dis pas comment elle s'appelle. Je n'ai pas osé lui demander, et je ne m'avise seulement maintenant que je ne lui ai pas dit mon nom. Je crois l'avoir entendu nommer par le chasseur. Madame Fauvel, il me semble. Madame Fauvel? Rosine Fauvel? Demanda de Trimont avec une légère contrariété. « Je ne suis pas sûr. Tu la connaîtrais ?»« Le nom m'est vaguement connu. » Il franchissait la grille de leur hôtel, contournait les pelouses et pénétrait sous le péristyle. Une dame passait, se dirigeant vers la salle à manger sans les voir. « La voici justement, » dit Henriette. Son mari la retint par le bras et répliqua à demi-voix. « Tu sais, ma chérie, que ce soir nous dînons dans notre petit salon, en amoureux. Montons de suite, veux-tu ?» Dans leur chambre, il embrassa sa femme, puis, avec une expression sérieuse et décidée, « C'est bien comme je le pensais, Madame Rosine Fauvel. Ne te fâche point, ma chérie, mais il vaut mieux que tu ne fasses pas plus ample connaissance avec cette personne. « Pourquoi ?» dit Henriette, désappointée. « Elle me plaît tant. Pour quelle raison ?» Elle regardait avec étonnement le visage froid et méfiant de son mari. Il reprit. « C'est une femme qui a un passé. Il n'est pas possible que ce soit, enfin, une vilaine femme. Si tu savais avec quelle hauteur d'esprit elle m'a parlé. » « Je ne vais pas jusqu'à dire que Madame Fauvel est une créature, non. Seulement elle a un passé. Elle a eu, après son divorce, des amants. Tu dois avoir confiance en moi. Ne me force pas à insister. Je ne veux que te prier de ne pas te lier davantage avec cette dame, et j'espère. » Il parlait d'un ton de dignité bourgeoise un peu suffisante. Henriette adorait son mari, mais elle était fière et malicieuse. Elle s'accouda sur son fauteuil et repartit, boudant presque. « Nous ne nous querellerons pas pour cela, Paul. Je m'incline. Seulement, j'aimerais comprendre, en obéissant. Elle a un passé, dis-tu. Elle a aimé, étant seule et libre, puisque tu m'apprends qu'elle était divorcée. Où est le mal ? Sans doute, elle était malheureuse. Tu me dis souvent que l'homme et la femme sont égaux en droit. Dès nos fiançailles, tu m'as donné cette garantie de notre bonheur futur. Laisse-moi donc te parler avec la franchise d'une amie. Est-ce que tu n'as pas eu un passé, toi aussi, Est-ce que tu n'as pas eu des maîtresses ? Mais ce n'est point la même chose. Tu es extraordinaire. Pourquoi n'est-ce point la même chose ? Je déteste ne pas comprendre. Je conçois que trahir soit vil, mais aimer sans mentir à aucune promesse pour la femme ou pour l'homme, en quoi est-ce répréhensible ? Tu as eu un passé, je n'en suis ni jalouse ni triste. Encore moins penserais-je que ta valeur morale en fût diminuée. Explique-moi en quoi la valeur morale de Madame Fauvel. Ce qui est admis pour l'homme entraîne pour la femme une déchéance morale, ce qui est peut-être discutable, mais social à coup sûr et à bon droit. Et pour l'homme, les mêmes faits déterminent un prestige, un renom d'expérience et un attrait. Est-ce juste ? La nature a des exigences et des fins différentes. J'aurais plutôt pensé qu'elles sont pareilles, mais que la partialité masculine les a décrétées différentes, pour des raisons d'intérêt. Un domestique entrait pour servir le premier plat. Quand il se fut retiré, Paul de Trimont reprit sèchement. « Je m'attendais à te retrouver très tendre, mais moins raisonneuse. Mon cœur est à toi tout entier, » dit Henriette. « Mais tu ne m'as pas découragé jusqu'ici de penser par moi-même. Ne pouvons-nous parler en camarade ?»« Tu as lu plus que moi, qui ne suis qu'un négociant, » dit en raillant de Trimont. « Je n'emprunte rien aux livres. Je te dis tout cela selon mon cœur féminin, naïf, épris de justice et inquiet de la vie, dès qu'il n'est plus blotti contre le tien. Je ne suppose pas que tes causeries avec Madame Fauvel t'aient si vite transformée. Paul ? Interrompit Henriette, qui eut presque envie de pleurer. Alors elle se reprit, sous le regard singulier de son mari, et l'acheva calmement. Madame Fauvel ne m'a dit que des choses loyales et nettes. Mais nous n'en parlerons plus, et je romprai poliment nos relations ébauchées. J'ai eu tort d'insister. « Oui, » dit de Trimont, « les amis m'ont beaucoup parlé d'elle, jadis. Tu n'as aucun tort, ma chérie. Ta nature est généreuse, mais tu es une toute jeune femme. Il y a des questions sur lesquelles tu auras tout le temps de revenir, ayant vécu et vu davantage. Alors tu comprendras ma réserve. N'y songeons plus, dis non. Regarde combien cette tombée de la nuit est délicieusement bleue sur le lac. Regarde la scintillation de pierreries qui là-bas révèle Évian. Évian où, tout à l'heure, je prenais le bateau, impatient d'arriver, de trouver sur le quai une chère petite silhouette blanche, la forme svelte de ma chérie. » Il murmura contre elle, câlinement, et la soirée s'acheva. Mais Henriette de Trimont restait songeuse et ne se jeta cette fois dans l'amour que comme dans un oubli fiévreux. Car pendant quelques minutes, il n'y avait plus eu dans ce petit salon deux époux. Il n'y avait plus eu dans ce petit salon deux époux, mais l'homme et la femme éternels s'affrontant sans se comprendre. Elle, anxieuse en toute sa jeune loyauté heureuse du don de soi et voulant toujours voir plus clair, lui, masqué de préjugés, se gardant, taisant des pensées obscures, se dérobant par la dureté ou la ruse, et n'avouant jamais, inflexible en sa volonté de conserver ses distances morales, habile à étouffer dans un baiser la réponse dangereuse. Le lendemain, vers 11 heures, comme Henriette de Trimont, laissant son mari dépouiller son courrier, descendait dans le jardin, elle se trouva tout à coup en face de Madame Fauvel, qui, sans paraître remarquer son trouble, lui tendit la main. Henriette, avec gêne, cherchait une phrase à laquelle son inclination s'opposait, lorsque Madame Fauvel la prévint. « Vous me voyez, madame, en costume de voyage. » « Je pars dans une demi-heure pour les lacs italiens. Nos relations auront été courtes, assez longues cependant, pour me laisser un charmant souvenir. J'admire votre jeunesse, votre grâce et votre jolie âme. Laissez-moi vous parler sans banalité, voulez-vous ? Ne vous offensez pas plus que je ne me suis offensé. Je sais votre pensée. Je ne vous demande point de me présenter votre mari. » « Hier, je vous ai vus tous deux, j'ai vu son mouvement. Je l'ai compris. Votre mari a entendu parler de moi. Mon monde est le sien. Il en partage sans doute les jugements. Et l'homme a ses raisons de ne point pardonner à la femme de prendre les droits qu'il se donne. J'ai eu un passé. Cela s'appelle ainsi. Marié à un être qui me resta toujours étranger. J'ai aimé un jour. J'ai refusé de mentir. J'ai tout quitté. tout brisé pour celui que j'aimais. Je lui ai sacrifié la fortune, le rang, l'honneur conventionnel. Je n'ai pas eu des amants, comme on vous le dira peut-être, mais cet amant, auquel je me suis uniquement donné avec une ferveur de jeune fille, et aussi, hélas, avec toute l'amère expérience d'une femme désabusée et meurtrie. Il était un peu plus jeune que moi. Il était capricieux. Il m'a fait souffrir à son tour, et puis il m'a quitté. Et à présent, je suis toute seule. Je vous souhaite de tout mon cœur, comme une amie que vous ne reverrez point, d'ignorer toujours un pareil passé. L'homme seul peut distinguer le plaisir de l'amour sans rien perdre à ce jeu cruel. Nous, nous en restons brisés pour jamais. Et c'est cela, le plus irrémédiable des passés. Une désespérance à laquelle le désaveu méchant du monde n'ajoute même pas une parcelle de chagrin. Adieu, chère madame. » Madame Fauvel s'éloigna, et Henriette, remuée, la regardait s'en aller comme un être très cher, sans soupçonner, dans sa droiture ingénue, que d'elle deux, c'était cette inconnue malheureuse qui éprouvait le plus de pitié. Rosine Fauvel était trop noble pour détruire d'un mot son estime pour son mari, en lui révélant que Paul d'Étrimont l'avait jadis connue, avait été des plus acharnés à tenter de profiter de son isolement de déclassé, et tremblant de cette rencontre, vengeait sa convoitise et conduite par un hypocrite reniement. C'était « Les deux passés » par Camille Mauclerc.